Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Dieu crée les animaux terrestres. Importance de cette seconde création, nouvel accord de Moïse et de Cuvier, insistance de Moïse sur le mot espèce, pourquoi nous décrirons l'homme à part, l'époque tertiaire et l'époque quaternaire. Nous voici arrivés au second temps de la création des espèces animales. Le premier, qui vient de nous occuper, a compris les animaux aquatiques, le second, qui nous reste à décrire, comprendra les animaux terrestres. Ce second temps de la création est de beaucoup le plus important, en ce que nous allons voir pour la première fois apparaître la grande classe des mammifères. Commençons, ici encore, par donner la parole à Moïse, nous laisserons ensuite parler Cuvier. Moïse, Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants chacun selon son espèce, les animaux domestiques, les reptiles et les bêtes sauvages de la terre, selon leurs différentes espèces. Note. Il ne faut pas confondre les reptiles dont il est ici parlé avec ceux que nous avons dit avoir été créés le cinquième jour. Ces derniers étaient des reptiles marins, produisant aquareptiles. Ceux dont il est question maintenant sont des reptiles terrestres, producat terra reptilia. Fin de la note. Cuvier. Dans le calcaire coquillier grossier, on commence à trouver des os de mammifères, mais ce sont des mammifères marins. Au contraire, aussitôt qu'on est arrivé au terrain qui le surmonte, les os d'animaux terrestres se montrent en grand nombre. Ainsi les quadrupèdes terrestres ne sont venus que longtemps après les quadrupèdes ovipares et les poissons. Ai-je besoin de faire remarquer, une fois de plus, la concordance si parfaite et si constante qui existe entre les récits de Moïse et ceux de Cuvier? Cette concordance est telle, que les mêmes faits se trouvent racontés par les deux historiens, on peut le dire, dans les mêmes termes. Qui ne sera frappé également de l'insistance avec laquelle Moïse répète, pour les animaux terrestres, comme pour les animaux aquatiques, qu'ils ont tous été créés chacun selon son espèce. Déjà, en parlant de la création des végétaux, il avait affirmé cette loi d'une spécificité d'espèce irréductible. Ainsi c'est sur les points qui devaient être les plus attaqués, mais qui, dans le plan divin, représentent ce qu'il y a de plus nécessaire, que, portent surtout les répétitions. L'homme ayant été créé le sixième jour, comme les animaux terrestres, il semblerait naturel de fondre son histoire dans la leur, et cependant nous consacrerons à cette histoire un chapitre à part. C'est que l'homme a été l'objet d'une création toute spéciale, avec des caractères et des attributs tellement distincts, qu'il représente à lui seul tout un règne. Il ne sera donc question ici que des animaux proprement dits. Il nous faudra, de plus, vu leur grand nombre et leur extrême variété, scinder l'étude de ces animaux en deux périodes. Ce sont ces deux périodes qu'on appelle en géologie, époque tertiaire et époque quaternaire. Animaux de l'époque tertiaire. Les premiers mammifères créés furent les pachydermes, principaux types, leur abondance dans les plâtrières des environs de Paris, autres espèces en nombre prodigieux oiseaux, poissons, crustacés, une grenouille conservée avec son têtard, mollusques, ils ont servi à former les pyramides, dinotorium, mastodonte, rhinocéros ticorinus, une curieuse trouvaille de Pallas, singes fossiles sont signalement, rien de l'homme dans son squelette. Cette époque comprend de très nombreuses espèces. Toutefois, nous nous contenterons, ainsi que nous l'avons fait pour les animaux aquatiques, d'en choisir quelques-unes, parmi les principales, à titre de spécimens. Si on écarte les marsupiaux, êtres imparfaits qui remontent à la période jurassique, les premiers mammifères créés furent les pachydermes. Parmi ceux-ci, le Palaeolérium, l'Anoplotherium et le Xiphodon. Le Palaeolérium était un herbivore qui semble avoir tenu le milieu entre le rhinocéros, le cheval et le tapir. L'Anoplotherium avait les pieds terminés par deux grands doigts comme ceux des ruminants, et le tarse des doigts à peu près comme chez les chameaux. Mais, ce qui le distinguait le plus, c'était une énorme queue, longue au moins d'un mètre et très grosse surtout à l'origine. Elle lui servait de gouvernail et de rame lorsqu'il passait à la nage un lac ou une rivière, non pour y saisir le poisson, car il était herbivore, mais pour y chercher les racines et les tiges des plantes aquatiques dont il semblait être très friand. Le Xiphodon avait la taille d'un chamois, mais plus de légèreté dans la forme. Sa course n'était point embarrassée par une longue queue, comme tous les herbivores agiles. Il était probablement un animal craintif, avec de grandes oreilles très mobiles. C'est surtout dans les plâtreries des environs de Paris qu'on rencontre ces fossiles en quantité réellement prodigieuse. Note. Le nombre de ces fossiles est tel qu'il semblerait presque que Montmartre et Pantin ont été le dernier refuge de ces races de pachydermes. C'est au point que chaque bloc qu'on extrait des plâtries renferme quelques débris de leur squelette. Aussi est-ce là surtout que s'est exercé le génie de Cuvier. Fin de la note. On y trouve de même le Coeropotamus, qui a de l'analogie avec le pécari actuel, quoique beaucoup plus grand, la dopis, qui rappelle par sa forme le hérisson, dont il a trois fois la taille, enfin le lophiodon, espèce voisine des tapirs, qui offre tous les extrêmes possibles de volume, depuis celui du tapir jusqu'à celui du rhinocéros. Cette variété et cette richesse que nous signalons dans l'ordre des pachydermes se rencontrent dans les autres classes d'animaux de cette création tertiaire. Voici, par exemple, les oiseaux. Ce n'est plus isolément, c'est par troupes qu'ils se montrent, ceux-ci chanteurs, ceux-là rapaces, d'autres domestiques ou plutôt tout près ils reconnaissent l'autorité de l'homme. Chose étrange, les perroquets et les hirondelles salanganes habitaient alors le département de l'Allier, et leurs débris prouvent qu'ils appartenaient à la même espèce que ceux qu'on trouve aujourd'hui dans certaines contrées de l'Asie et dans l'archipel indien. Telle était à ce moment l'exubérance de vie sur le globe, que les espèces aquatiques elles-mêmes vont en éprouver un notable accroissement. Ainsi les poissons augmentent en nombre, mais, ce qui est plus important encore, leur organisation subit une complète métamorphose. Tous les poissons appartenant à l'époque de transition ou secondaire avaient l'épine dorsale se prolongeant jusqu'à l'extrémité de la queue. Au contraire, à partir de l'époque tertiaire, l'épine dorsale s'arrête à la nageoire terminale. Et cette nouvelle structure se conservera, sans changement, jusqu'aux espèces actuelles. La classe des crustacés nous offre de même les premiers crabes. Quant aux reptiles, nous avons à signaler les tortues qui, ayant apparu dans la période jurassique, continuent d'augmenter en genre et en espèces. Les crocodiles de leur côté remplissent les fleuves et y règnent en maître. Enfin, les grenouilles datent de la même époque. Monsieur Meyer a donné le dessin très curieux d'une grenouille et de son têtard dont on a trouvé l'empreinte admirablement conservée dans le terrain Eocène. Nous y reviendrons à propos des transformations du darwinisme. Parlerai-je de ces mollusques dont la multiplication merveilleuse coïncide avec l'époque tertiaire? C'est alors que vivaient, au sein des mers et loin des rivages, les numulites, dont les coquilles agglomérées soudées entre elles forment, dans la chaîne des Pyrénées, des montagnes entières, et, en Égypte, des bancs forts étendus qui ont servi à construire les anciennes pyramides. Là vivaient également les myliolites, dont l'agglomération et la soudure des coquilles constituent de même, autour de Paris, des carrières fort étendues qu'on exploite aujourd'hui comme pierre à bâtir. Combien de siècles a-t-il fallu pour que les dépouilles de ces petits mollusques soient arrivées à constituer ainsi des masses de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur? C'est vers la fin de cette mémorable époque que commencent à se montrer les principaux représentants des espèces animales modernes, tels que les genres phoques, ours, félides, rats, castors, tapirs, etc. Seulement, comme ces races sont encore vivantes, nous n'avons point à nous y arrêter. Il nous faut au contraire consacrer quelques mots au dinotherium, au mastodonte et au rhinocéros tricorinus, car ce sont des espèces éteintes. Le dinotherium est le plus grand des mammifères terrestres qui ait jamais vécu. Il semble annoncer l'apparition de l'éléphant, qu'il dépasse du reste de beaucoup par ses monstrueuses dimensions. Ses énormes défenses étaient fixées tout en avant de la mâchoire inférieure et recourbées en bas comme celle du morse. Par son genre de vie et la frugalité de son régime, ce pachyderme ne méritait pas le nom redoutable que les naturalistes lui ont donné, du grec dénos, terrible, thyrion animal sauvage. Sa taille sans doute était effrayante, mais ses habitudes étaient paisibles. Il fréquentait de préférence les eaux douces et les embouchures des grands fleuves où il se nourrissait de végétaux herbacés. Le mastodonte rappelle parfaitement, comme volume et comme forme, notre éléphant moderne. Il n'est même pas prouvé pour moi qu'il constitue une espèce tout à fait à part, la seule différence portant sur quelques détails de dentition. Buffon l'avait baptisé du nom d'animal de l'Ohio, en souvenir de la partie de l'Amérique où on en avait découvert le premier fossile. Quant au rhinocéros ticorinu, c'est-à-dire, à narine divisée par une cloison, il portait, comme caractère distinctif, deux énormes cornes implantées sur son nez, tandis que l'espèce dite des Indes, actuellement existante, est unicorne. Son corps était couvert de poils très abondants, en revanche, sa peau était dépourvue des callosités et des rides que l'on remarque sur celles de nos rhinocéros d'Afrique. C'est le cadavre d'un de ces monstrueux pachydermes que le naturaliste Pallas raconte avoir vu en 1771, tout fraîchement retiré des glaces du Vilouni, Sibérie, et conservant encore ses téguments, ses poils et sa chair. Nous en avons fini avec la création des animaux tertiaires, ou plutôt il en est un encore dont il nous reste à parler, mais que nous avons cru devoir tenir en réserve comme étant la plus digne de clore la série, c'est le singe. Le singe. Nous voilà donc en présence de celui que Darwin appelle le premier de notre race. Il est de fait que le singe a précédé l'homme dans l'ordre d'apparition des espèces animales sur le globe, seulement tous les autres animaux sont, dans le même cas. Donnons tout de suite, son signalement, le lecteur doit être impatient de le connaître. Le singe de l'époque tertiaire appartenait au groupe des orang-outans et avait à peu près la taille de l'homme. C'était le Pithecus anticus. Il y en avait encore un de plus petite espèce, se rapprochant du macaque et de la guenon, c'était le Mesopithecus, cette dernière espèce de singe est encore vivante. Monsieur Albert Gaudry, dans ses belles études sur les animaux fossiles de l'Attique, on a découvert un squelette entier, dans le terrain miocène de Picquermie, qui peut servir de point de comparaison avec l'homme. Hélas, j'en suis bien fâché pour Darwin, mais on y chercherait vainement quelques rudiments de la structure humaine. On se trouve toujours en face d'un et deux quadrumanes, à la longue queue, à la tête bestiale et aux membres disproportionnés. Animaux de l'époque quaternaire. Ces espèces étaient contemporaines de l'homme, race éteinte et race conservée, mammouth, son signalement, mégatherium, son étrangeté, ours, tigre et hyène des cavernes, oiseau gigantesque, Marco Polo, l'oiseau ruc, roc, oiseau-éléphant, volume de ses œufs, plusieurs sont déposés au Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. L'époque quaternaire de l'histoire de notre globe commence après l'époque tertiaire et se continue jusqu'à nos jours. Le fait qu'il la domine, comme il domine toutes les autres phases de la création, c'est l'apparition de l'homme, mais j'ai déjà dit que je parlerai de l'homme dans un chapitre à part. Ne nous occupons donc ici que des espèces animales dont il fut le contemporain. Ces espèces sont les mêmes que nous voyons vivre et s'agiter sous nos yeux, mais il y en a d'autres dont la race est éteinte, ce sont précisément celles-là qui vont nous éclairer sur le moment précis où l'homme parut sur la Terre, car les premiers ossements humains dont on trouve les fossiles sont confondus avec les leurs, d'où nous devons conclure que l'homme remonte aux mêmes dates. Ces animaux sont, du reste, en petit nombre. Contentons-nous de signaler les principaux, en commençant par les herbivores. Le mammouth, ou éléphant fossile, est sans aucun doute le plus important de tous ceux qu'a reconstitué la science moderne. Sa taille dépassait celle des plus grands éléphants actuels, car elle avait de 4 à 5 mètres de hauteur, la courbure en demi-cercle de ses monstrueuses défenses, qui atteignaient jusqu'à 4 mètres de longueur, différencie le mammouth de l'éléphant actuel des Indes. La forme de ses dents, qui présente une large surface unie au lieu d'éminence mamelonnée, le distingue facilement aussi de son congénère fossile, le mastodonte. Sa tête allongée, son front concave, sa mâchoire courbée tronquée en avant, lui donnent de plus une physionomie à part. Enfin, nous verrons bientôt qu'il était revêtu de poils longs et serrés, et qu'une épaisse crinière flottait sur son cou, et son épine dorsale. Le mégatherium ou animal du Paraguay mérite de même de figurer à côté du mammouth. Seulement, à en juger par sa structure lourde et aussi bizarre dans son ensemble que dans toutes ses parties, ce devait être un des êtres les plus disgraciés de la création. Sa place est marquée entre notre paresseux et notre tatou actuel. Comme le premier, il se nourrissait exclusivement de feuilles d'arbres, comme le second, il fouillait profondément le sol pour y trouver à la fois sa nourriture et son abri. L'espèce en est perdue comme celle du mammouth. Par contre, le bœuf, l'âne et le cheval sont restés à peu près tels qu'ils étaient alors. Que dire maintenant des carnassiers quaternaires? Ce n'est qu'il constituait une terrible phalange. C'était l'ours des cavernes, Ursus Peloels, d'un cinquième plus grand que nos ours bruns et de forme plus trapue. C'était le tigre des cavernes, Felis Pelus, à l'ossature vigoureuse, dont le muséum de Paris possède plus d'un effrayant squelette. C'était enfin l'hyène des cavernes, Hyaenas Pelaea, où l'on trouve réunis les caractères du lion et du tigre, et dont la taille dépassait celle de nos plus forts taureaux. Tels étaient les mammifères les plus répandus et les plus caractéristiques de l'époque qui nous occupe. À cette même époque apparurent, pour la première fois, nombre d'oiseaux gigantesques qui, non seulement furent contemporains de l'homme, mais dont l'espèce ne s'est éteinte, pour plusieurs, que dans une période voisine de la nôtre. Ainsi, par exemple, le célèbre voyageur vénitien Marco Polo, qui vivait dans le XIIIe siècle, donna des détails très intéressants sur l'oiseau ruc, l'oiseau de la fable arabe, lequel, suivant lui, habitait l'île de Madagascar. Ces récits furent qualifiés de contes, et passèrent pour tels, jusqu'au jour où, vers la fin du siècle dernier, des indigènes madécas, étant venus en France pour acheter du rhum, apportèrent des vases tout exprès pour l'y mettre. Ces vases, d'après leur dire, n'étaient autres que des œufs du fameux oiseau. Or, un seul de ces œufs avait le volume de 8 œufs d'autruche ou de 135 œufs de poule. Bien entendu, cette prétendue origine des vases fut également taxée de fable. Cependant, il fallut bien se rendre à l'évidence lorsqu'en 1851 le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris reçut un de ces œufs trouvés à Madagascar dans des joncs, aussi bien conservés que s'ils venaient d'être pondus. Cet œuf avait 88 cm de circonférence et une capacité de 10 litres et demi. Il figure aujourd'hui dans les galeries de notre muséum, en compagnie de 4 autres œufs de même provenance et de même volume. L'oiseau ruc de Marco Polo a donc bien réellement existé, si même il n'existe encore. Seulement on l'a décoré, suivant l'usage, d'un nom scientifique quelque peu difficile à retenir, il s'appelle Epiornis maximus. D'après Monsieur Joseph Bianconi, ce monstre emplumé appartient à la race des vautours. Nous en avons fini, mais complètement cette fois, avec la création des animaux qui précédèrent l'homme ou furent ses contemporains. Il nous faut maintenant aborder la création de l'homme lui-même. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica VNF-FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.